trap, bitch. Ah. Avec mes potes on fait de la pop, enlève ton top, j'suis au top. Des fois j'ai mal au cœur, au moins j'baisse pas mon froc. Un coup de bite t'étais en cloque, y'avait un trou dans la capote. Sous les feux de la rampe j'trope, depuis le Chrysler j'mets un Chrysler. On m'a dit nique sa mère la tristesse, y'en a trop des filles ça. Elles veulent faire du fitness, se refaire le visa. J'ai trouvé une fille saine, elle s'en fout de mes freestyles. Elle est pas trop superficielle, elle sait que je suis un dixa. Ok, c'était dans ma nature, j'aime pas piaf dans la voiture. T'as goûté à la pure, nous on écoutait pas l'avoine. Maintenant t'es entre quatre murs, tu te fais pister par la douane. Tu tires que des balles à blanc, tu pourras jamais nous toucher comme ça. On s'est fait courser par les kiss day. Avec l'équipe on a trop teasé. Mais j'ai un ange comme la villa. J'fais ce que j'veux avec ma vie, c'est comme ça. Gang, Ginger et Ginsign. C'est comme ça. Sur la scène, T-shirt et jeans sales. C'est comme ça. Tu peux la tèche, moi je l'ai déjà tèche. C'est comme ça. C'est trop sale. C'est comme ça. Des animaux McDo et d'autres sur MTV. Je voudrais faire de grandes choses avant la fin de ma vie. Je voulais les pecs à Rambo, écrire comme Rimbaud, attraper le rainbow. L'oseille ça rend beau, ça je l'ai compris, Red Bull. Conscient de grandir arrive pas, je m'envolais sans Red Bull. L'école j'y arrive pas, solo dans ma petite bulle. L'été devant mon immeuble, on faisait une touche de balle. Les autres partaient à la boule. Vamos à la playa, j'ai vu Tago dans la cahier. Elle avait l'air de cahier, ce que lui a fait un câlin. Ébloui par les paillettes, tu finis par te noyer. Tu pécho des plaquettes et t'en oublies ton loyer. C'est comme ça. On s'est fait courser par les kiss day. Ah ouais. Avec l'équipe on a trop tiré. Oh. Mais j'ai un ange comme Nabila. J'fais ce que je veux avec ma vie, c'est comme ça. VF Gang, Ginger et Ginsign. C'est comme ça. Sur la scène, T-shirt et Ginsign. C'est comme ça. Tu peux la tèche, moi je l'ai déjà tèche. C'est comme ça. C'est trop ça. Thank you.